ديال التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دونك notre troisième assise autour de l'explication de la parole de l'unicité du Cheikh Mohamed Nablab, rahmatullah alayh, que nous prenons avec l'explication de son éminent Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala wa mutta'abi. Qala al-Sheikh al-Mujaddidu, rahimahullah ta'ala, wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih, fa'alama anna hadihi al-kalima nafyun wa ithbat. Et son Cheikh Mohamed Nablab, rahmatullah alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, a dit dans son épître: il sache que cette parole, il y a dedans la négation et l'affirmation. Yaqulu Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala: hadihi al-kalima laha ruknan huma nafyun wa ithbat, fala yakfi an-nafy wa la yakfi al-ithbat, بل لا بد من الاثنين مقترنين. الشيخ الفوزان de nous dire que cette parole, il a deux piliers. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'attestation de foi que cette parole, la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah, il a deux piliers. Le premier, c'est la négation, et le deuxième pilier, c'est l'affirmation. Donc ça ne suffit pas le fait de nier, et ça ne suffit pas d'affirmer tout simplement. Il faut les deux. Il faut la négation et l'affirmation, les deux à la fois. كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما قال يكفر بالطاغوت فقط، بل قال ويؤمن بالله، ولا قال من يؤمن بالله، ولم يذكر الكفر بالطاغوت. لا بد من الاثنين. Et comme il a dit, il cherche de nous dire, il est obligatoire d'avoir les deux, la négation et l'affirmation. Comme il est dit dans le verset 256 sourate la vache: et celui qui me croit, qui m'écroit en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, c'est-à-dire celui qui m'écroit en Tarout et qui croit en Allah. Il n'a pas dit tout simplement, Cheikh Al-Fawzan de nous dire, il n'a pas dit tout simplement qu'il m'écroit en Tarout. Non, il n'a pas dit non plus tout simplement qu'il croit en Allah. Mais il a dit celui qui croit en Allah. Il n'a pas dit non plus il croit en Allah, il n'a pas cité le fait de me croire en Tarot. Il dit il est obligatoire d'avoir les deux, la négation et l'affirmation. Et comme nous l'avons vu, hein, et celui qui me croit en Tarot, ça c'est la négation, là il a. Et qui croit en Allah, ça c'est l'affirmation, illallah. Donc il faut avoir les deux. يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله: نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى وغفر له: نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد رحمة الله عليه: il faut la négation de l'adoration. Il faut faire la négation à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que le culte soit réservé à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Même, et il ne faut pas vouer du culte au messager alayhi salatu wasalam, au messager alayhi salatu wasalam, même Muhammad alayhi salatu wasalam, et non plus aux anges, même Jibril, et encore moins les autres prophètes et les vertueux. Il faut vouer le culte à personne de tout cela. Et il faut confirmer l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الفوزان نفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله. الشيخ الفوزان de dire que il faut ne donner l'adoration à rien. Tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire la négation de son adoration. Il faut pas lui vouer de culte. من المخلوقات ولو كان من أصلح الصالحين فأصلح البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح الملائكة هو جبريل ومع هذا لو أن أحدا يعبد جبريل ويعبد محمدا فإنه يكون مشركا خالدا في النار لأن الله لا يرضى أن يشرك معه لا أحد من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولهذا يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الكهف 111-110 Et cher de nous dire comme commentaire à ce passage faut la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures on ne doit pas leur vouer de culte, même s'ils sont les meilleurs des vertueux, et le plus noble, et le plus vertueux, et le plus bon des êtres humains qui Muhammad alayhi salatu salam n'a pas à lui donner à l'adorer. Et le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salatu salam, la même chose, car si quelqu'un adore Jibril ou adore Muhammad alayhi salatu salam, il est associateur, il sera éternellement au feu de l'enfer, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, il n'agrée pas qu'on lui fasse un associé ou qu'on lui associe dans le culte quelqu'un. Que ce soit les anges, que ce soit les prophètes, que ce soit les vertueux, que ce soit les arbres, que ce soit les pierres, autres. Et il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Kahf, verset 110, et ne lui associe dans son adoration aucun, il lui fait aucun associé dans son adoration. Ahadan hada am, et ahadan ici, aucun. Il est général. Il est général. Ça concerne tout. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شَيْئًا أي أي شيء هذا نفي عام والمنفي نكرة والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء. Et donc, dans l'autre verset, dans Surat Nisa 36, et adorez Allah, il ne lui fait aucun associé. Aucun ici, aucun associé, ça veut dire, il est. C'est une négation, une négation générale de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et la négation concerne un indéfini. Chez un, il est ici, un indéfini. Il est indéfini, il est dans l'expression de la négation, il englobe toute chose. C'est-à-dire que le culte ne doit être voué à quoi que ce soit. À rien du tout en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout le culte doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى فإذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عنه محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل ونفاها عن محمد وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. الشيخ محمد بن عبد de nous dire, si tu comprends ça, médite l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmée à lui-même et qu'il a nié qu'il soit et qu'il n'a pas voulu et qu'il a interdit qu'il soit voué à Muhammad alayhi salatu salam ou à Jibril ou autre. Pas un atome de cette adoration doit être donné, que ce soit à Muhammad, alayhi salatu salam, ou à Jibril, ou à autre. Tout le culte doit être confirmé à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Que le culte il doit être réservé à lui tout seul, sans associé. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله الألوهية معناها العبادة ومن هنا غلط كثيرون في تفسير لا إله إلا الله وفسروها بغير تفسيرها. ومن ذلك الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان حفظه الله de nous dire l'ulouhiya, sa signification c'est l'adoration. Il a dit partant de là, beaucoup se sont trompés dans l'interprétation de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Ils lui ont donné des fausses interprétations. Et il ne cite les fausses interprétations que les certains ont donné à la ilaha illallah. Il قول اولا تفسير اهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. Il dit d'abord l'interprétation de la parole d'une unicité par les gens de l'unicité de l'existence. Ceux qui croient qu'Allah et sa créature c'est la même chose, qu'il n'y a aucune séparation entre les deux. La créature c'est Allah et Allah c'est la créature pour eux. يقول فأهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق هو كله هو الله هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود. Il dit حفظه الله تعالى en ce qui concerne les gens de l'unicité de l'existence, ceux qui ont la croyance de وحدة الوجود, l'unicité de l'existence. Ibn Arabi, ses disciples, ils disent لا إله إلا الله ni adoré qu'Allah ou لا إله إلا الله n'existe qu'Allah. Cela veut dire que tout ce qui s'adore c'est Allah سبحانه وتعالى. Car pour eux, l'existence ne se divise pas entre créateur et créature. Tout c'est Allah. Le créateur et la créature. C'est ça la signification. C'est pour ça que les gens de la Sunna les ont appelés les gens de l'unicité de l'existence. Ils font que cet univers et ces créatures sont unis, ils ne se divisent pas. Kulluhu huwa Allah, tout cela c'est Allah. Mahma abada al-insan min shay fa innahu qad abada Allah. Tout ce qu'adore l'être humain, ben il a adoré Allah. Toute chose qu'il aura adorée, il a adoré Allah pour eux. الذي عبد البقر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله. الشيخ de nous dire celui qui adore la vache, celui qui adore les statues, celui qui adore les pierres, celui qui adore l'être humain, celui qui adore les anges, tous ils ont adoré Allah سبحانه وتعالى pour eux. لأن الله هو الوجود المطلق. Car pour eux Allah c'est l'existence au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui existe. يقول الشيخ حفظه الله والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق يقولون عنه أن هذا مشرك فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله. Et الشيخ de nous dire, ils disent que celui qui dit que ce qui existe est divisé en deux, créateur et créature, ils disent de lui que ça c'est un associateur. Donc, ne peut être monothéiste pour eux que celui qui dit que l'existence est une seule chose. Et il est unique, et c'est Allah. Créateur et créature, c'est la même chose. C'est Allah pour eux. C'est lui-là le monothéiste pour eux. يقول فما عبدت من هذا الكون من أشجار أو أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد الله لأن هذا هو الله. Il dit tout ce que tu auras adoré dans cet univers, que ce soit les arbres, les pierres, les statues ou ce qui s'adore, les tawaghit, ce qui s'adore en dehors d'Allah, tu as adoré Allah. Pas car pour eux ça c'est Allah. يقول وبهذه المناسبة فإنه يغلط بعض العوام يقول ولا معبود سواك ولكن لو قال لا معبود بحق سواك وهذا يوافق قول أهل وحدة الوجود فلو زاد كلمة حق بحق كلمة بحق صح لأن ما سواه معبود بالباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Et الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire Et à cette occasion, beaucoup de communs font l'erreur en disant « Il n'y a pas d'autre adoré que toi. » Il dit « Mais ils auraient dû dire ce qui va authentifier leurs paroles, qu'il n'y a pas d'autre digne d'être adoré que toi. » Il dit « Parce que la première, il n'y a pas d'autre adoré que toi, cela va de pair avec la parole des gens de l'unicité de l'existence. » Elle dit « S'il rajoute digne d'être adoré, ça aurait été juste. » Car en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui est adoré, s'adore avec, c'est nul et c'est faux l'adoration qui lui est donnée. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, et ceci dans le Hajj, le pèlerinage 62. Certes, Allah sait la vérité, et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, et à qui ils demandent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le faux. Yaqulu habidahullah. ثانيا تفسير علماء الكلام لوحدة الوجود. Et après maintenant il nous donne l'explication des hommes de science de la parole, de la spéculation, ceux qui ramènent comme preuve pour tout ce qui est croyance, etc., les trucs de la raison. Ulama al-kalam, leur explication de la parole du monothéisme dit ceci: ulama al-kalam yaqulun la ilaha illallah « La qadir ala l'ikhtira'i wal khalqi wal tadbir wal ijad illallah. » Donc, les hommes de science de la parole, de la spéculation au niveau de la parole, disent que « La ilaha illallah » veut dire pour eux, n'est capable d'innover et de créer et de gérer et de faire exister qu'Allah. Ça, c'est leur interprétation. « Yaqul al-shaykh wa hada ghayru sahih, hada yuwafiqu dina » المشركين فالمشركين يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله لا يحيي إلا الله لا يميت إلا الله لا يرزق إلا الله وهذا توحيد الربوبية. الشيخ دو دير et ça c'est pas vrai, car ça correspond à la religion des associateurs, car les associateurs disent n'est capable de créer sauf Allah, n'est capable de donner la vie qu'Allah, n'est capable de donner la mort qu'Allah, n'est capable de donner la subsistance qu'Allah, et ça c'est le monothéisme de la seigneurie. يقول حفظه الله ثالثا تفسير لا إله إلا الله عند الجهم والمعتزلة ومن سار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركا والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. Il dit troisièmement, l'interprétation de la ilaha illallah, c'est les jahmites et c'est les mu'tazila, et ceux qui sont dans la même voie qu'eux, c'est la négation des noms et des attributs. Car celui qui confirme les noms et les attributs, pour eux, c'est un associateur. Et le monothéisme, pour eux, c'est le fait de nier les noms et les attributs d'Allah. Il viendra, Inch'Allah, ne vous compliquez pas l'existence avec le terme Jahmi et Mu'tazila. Quand, Inch'Allah, je serai de passage, je vous ferai un petit peu les définitions de tous les termes des groupes qui sont cités dans l'Aqidah, ils ont donné la date de leur existence, quand est-ce qu'ils ont existé, et leur fondement c'est quoi, et en quoi ils sont en diverge avec les gens de la Sunna, Inch'Allah. Rabi'an, tafsir al-Hizbiyin wal-Ikhwani al-Yawm. Et quatrièmement, l'interprétation des Hizbi et des frères musulmans aujourd'hui. Yaqulu la ilaha illallah, ay la hakimiyata illallah. Wal hakimiyata kama yusammunaha, juz'un min ma'na la ilaha illallah. Lianna ma'naha shamilun li kulli anwa'i al-ibadah. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, ils disent, les Hizbi ainsi que les frères musulmans, ils disent, la ilaha illallah, il n'y a pas de jugement que pour Allah. La hakimiyata illa lillah. Et la hakimiyya, comme ils l'appellent eux, c'est une partie de la ilaha illallah. Car le sens de la hakimiyya, il est contenu dans le sens général de la ilaha illallah. La ilaha illallah englobe toutes les adorations et les lois à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme d'adoration. Dire que si le jugement est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration quand on laisse le jugement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on prend le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils l'extraient de là. Il n'y a de jugement, il n'y a de loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ فنقول لهم أين بقية العبادات أين الركوع والسجود والذبح والنذر وبقية العبادات الشيخ de leur dire où sont les autres parties de l'adoration où est le recou où est la prosternation où est le fait de gorger pour Allah où est le fait de faire des vœux pour Allah où sont les autres formes d'adoration يقول الشيخ هل العبادة هي الحاكمية فقط إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط وإنما تنفيه من أنواع الشرك يا سبحان الله ينبغي التنبه لهذه الأمور لأن هذه كلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة إلدي حفظه الله تعالى Est-ce que l'adoration pour vous est tout simplement l'hakimiya? C'est l'adoration, sa signification pour eux, c'est l'hakimiya tout simplement. Où il est la négation des différentes formes de l'associationnisme? Subhanallah, il faut faire très attention à ce genre de sujet. Car ceci... Il faut faire très attention à ces points, car c'est une parole qui est énorme, c'est une parole qui sauve du feu de l'enfer pour celui qui l'accomplit. Et toute la religion est basée, du début jusqu'à la fin, est basée sur cette parole. Il a da'wa des messagers, ainsi que les livres descendus, tous ils sont basés sur cette parole. Yaqulu al-shaykh tafsiru ahli sunnati wal jama'a. Et cher de dire, l'interprétation des gens de la sunna et de l'unanimité. يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله لأن المعبودات كثيرة ولكن المعبود بحق هو الله وحده وما سواه فعبادته باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Et donc l'interprétation des gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, « La ilaha illallah » pour eux veut dire « ni digne d'être adoré qu'Allah ». Car ce qui s'adore en dehors d'Allah, il y a beaucoup de choses qui s'adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est digne, auquel on doit vouer le culte exclusivement, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement. Et... Toute adoration qui est vouée à quelqu'un d'autre qu'Allah, il est nul et non avenante. Il est dit dans le verset, dans Surat al-Hajj, verset 62, certes, Allah, c'est le seul digne d'être adoré. Et tout ce qu'il, et tout ce à qui il demande en dehors d'Allah, c'est faux. Il leur demande faussement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est dessus de tout. Il est le plus grand. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ومتع به فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية Et il dit, Cheikh Mohamed Abdelwahab, rahimahullah ta'ala, il sache que cette adoration, c'est celle que le commun, à notre époque, appelle le secret et l'alliance, le wilaya. يقول الشيخ الفوزان, أن يعتقدونها في الأولياء, ويقولون إن هذا الولي فيه سر وفيه ولاية فيتقربون إليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لأنه فيه سر وفيه ولاية et Cheikh Fawzan de commenter ce passage dit il croit que cette adoration est pour les alliés pour l'aulia ils disent parce que ce wali il y a le secret dedans il y a l'alliance dedans c'est pour ça qu'il se rapproche au wali avec le fait de lui égorger le fait de lui faire des vœux le fait de lui demander le fait de chercher secours auprès de lui car il a le secret il y a le secret en lui et il y a le wilaya en lui يقول والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه il dit الإله sa signification pour eux c'est le wali dans lequel il y a le secret. Il l'appelle faqir, il l'appelle cheikh. Et Cheikh Al-Fawzan de nous éclairer là-dessus, il dit As-Sufiya yusammuna al-abid al-sheikh, يعني Cheikh Tariqa, الذي يأخذون عنه دينهم والذي يأخذ عن شيخ الطريقة يسمونه المريد ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل بين يدي الغاسل ليس له أن يعترض بشيء. الشيخ الفوزان de nous dire صوفيا appelle l'adorateur celui qui adore شيخ. Il l'appelle شيخ de la voix, le شيخ de la secte, car il prend de lui sa leur religion et il prend de lui. Et celui qui prend ses chairs, c'est le chair de la secte, le chair de la voie, il l'appelle le mouride. C'est ce qu'on peut appeler le disciple. Le mouride, vous entendez parler beaucoup au Sénégal et un petit peu partout. Et tous les disciples des chouyours soufis, c'est des mourides. Et le mouride, avec son chair, il est comme le mort entre les mains de ceux qui le lavent. Il ne s'oppose pas. Il n'a pas d'opposition à émettre devant son chair. وتسمية العامة السيد وأشباه هذا et le commun des musulmans ils appellent cela سيد et il leur donne d'autres appellations, d'autres nominations similaires comme le dit Cheikh Mohamed Abdelhab et Cheikh Mohamed Abdelhab de nous dire et le commun ils appellent cela le سيد c'est-à-dire le noble et ils lui donnent d'autres titres similaires à cela. يقول الشيخ الفوزان وهم يسمون شيخهم السيد ويسمونه الشيخ فلا بد أن تبايعه وتسلم له أمرك فلا تعترض ولا تخالف في شيء وإلا فإنك لا تكون مريدا معه. إيه الشيخ الفوزان de nous dire ils appellent leur cheikh سيد ils l'appellent cheikh donc il est obligatoire que tu le suives que tu te soumettes à son nom tu ne dois pas t'opposer à lui tu ne dois pas avoir de divergence avec lui sur aucun point. Sinon tu n'es pas un disciple, tu n'es pas un mouride chez eux et pour lui ni devant lui. يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. Et Cheikh Mohamed ibn Abd rahmatullah alayhi de nous dire, ça ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait certaines particuliers, hein, il a donné certaines particularités à ces créatures et que les particuliers de la créature ont une place chez Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée que les gens vont vers eux et espoir en eux, et leur demande secours, et qu'ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. يقول الشيخ الفوزان يقولون إن الله جعل من الخلق خواص يجوز الالتجاء إليهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده ويقربون إليه هذا الذي هم عليه لا يقولون إنهم شركاء لله. Il dit, الشيخ الفوزان pour nous éclairer, il dit, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné des particularités à certaines de ses créatures. Donc il est permis d'aller les voir, de se réfugier auprès d'eux, de leur demander de chercher secours auprès d'eux, de les prendre comme intermédiaires pour te rapprocher d'Allah. C'est ce qu'ils disent. Ils disent pas que ce sont les associés d'Allah. بل يقولون شفعاء عنده ويقربون إليه لأن الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم فصاروا وسائط بين العباد وبين الله تعالى الله عما يقولون ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياء وأمواتا. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان حفظه الله. Il dit ils disent que ce sont des intermédiaires qui les rapprochent d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils sont bons, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, il les a élus de par leur piété. Ils sont devenus des intermédiaires entre les serviteurs et Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus, au-dessus de tout ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'il se rapproche d'eux avec toute forme d'adoration, qu'il soit mort ou vivant. ويقولون إن المتقرب إليهم مثل المتقرب إلى الله من يتقرب للشيخ يتقرب لله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لعب الشيطان بهم إلى هذا الحد. Ils disent, celui qui se rapproche d'eux avec des actes, c'est comme il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se rapproche du Cheikh avec des actes, c'est comme il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh, de le citer ce verset, dans Sourate Yunus 18, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne peut pour eux ni le bien ni le mal. Il dit, ceux-là, ce sont nos intermédiaires chez Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, dit Cheikh Hafidhahullah ta'ala, a joué avec eux à ce point-là. Shaitan, il a joué avec eux à ce point-là. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة والإله. Il dit حفظه الله تعالى, الشيخ محمد بن عبد الوهاب veut nous dire, ceux que les gens de l'associationnisme appellent à notre époque des intermédiaires, qu'ils appellent, ceux-là ce sont les mêmes que les premiers qui les ont devancés, les a appelés les divinités. Et l'intermédiaire, c'est Allah pour eux, c'est l'ilah, c'est l'adoré. Ceux, les gens de l'association prétendent à notre époque que leurs intermédiaires qu'ils appellent, c'est les mêmes que les premiers appellent les divinités. Et l'intermédiaire, c'est la divinité. يقول الشيخ الفوزان المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إلى قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم سموها آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الأولون سموهم آلهة والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط ولم يسموهم آلهة والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. الشيخ الفوزان de nous dire حفظه الله تعالى que les premiers associateurs, ce qu'ils adoraient, ils l'appelaient divinité. C'est pour ça, quand le messager leur a dit, dites la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah, ils ont dit, est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule? Jusqu'à ce qu'il ait dit, marchez, à ce qu'ils se disent entre eux, marchez, patientez sur, pour l'adoration de vos divinités. Saad, versets 5 à 6. Ils l'ont appelé divinité, comme il a dit chez Ressé. Et aussi dans Surat 9, verset 23. Ne délaissez pas vos divinités, ne délaissez pas Oud, ou Soua, Yahout, Yahouk, Inesr. Les premiers associateurs appelaient tout ça des divinités. Les derniers qui prétendent l'islam et qui prétendent être musulmans, ils les appellent des intermédiaires. Ils ne les ont pas appelés des divinités. Mais le sens, il est identique. Même si l'expression change et les mots changent, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la réalité de la situation. Ce n'est pas l'expression et la terminologie. يقول الشيخ محمد بن عبد الرحمن الله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الله تعالى يدير quand l'homme dit لا إله إلا الله il doit annuler toutes les intermédiaires. Toutes les intermédiaires doivent s'annuler. يقول الشيخ الفوزان لا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله سواء سمي واسطة أو شفيعا أو سمي آلهة فلا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله بأي اسم سمي. Et الشيخ الفوزان de nous dire لا إله إلا الله annule et annule anéantit tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, qu'on l'appelle une intermédiaire ou qu'on l'appelle une divinité, la ilaha illallah anéantit, il y a nul tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe le nom qu'on lui donne. Et on arrête là pour aujourd'hui, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.